إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de la aqida des deux imams Abu Hatim et Abu Zur'a al-Razi dans leur livre qui clarifie et qui explique la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et comme on l'a expliqué déjà, c'est que les imams des salafs, plusieurs d'entre eux avaient l'habitude de clarifier leur aqida, d'expliquer leur aqida. Et le but de ça, en fait, c'était de prouver, d'établir, de montrer que leur aqida était la même que la aqida des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis et que c'était la aqida des salaf al-salih, la aqida d'Ahl sunnati wal jama'a. Et donc on retrouve plusieurs livres, plusieurs ouvrages, plusieurs écrits sur ce sujet-là écrits par les imams des salaf. Par exemple, on a mentionné dans les cours précédents plusieurs exemples de ça, comme le sunna de l'imam Ahmad et le sunna de son fils et yani sharh le sunna de l'imam al-Barbahari. Il y a également celui-là qu'on va faire maintenant, et il y en a beaucoup d'autres également. Donc les imams, ils ont cette habitude-là, c'est pour établir donc que le sunna et l'imam, ils sont unis sur la même aqida, sur la même croyance. Et donc on va continuer donc l'explication, ou bien plutôt on va commencer l'explication, parce qu'au dernier cours on a fait la biographie, et dans le premier cours on a fait l'introduction du livre. Le deuxième cours c'était la biographie des deux imams, une courte biographie de qui était l'imam Abu Hatim et qui était l'imam Abu Zur'a. Et maintenant donc on commence avec le texte lui-même, le texte du livre. Avant de commencer, par contre, il y a juste, je veux revenir sur une parole que, au dernier cours, j'avais eu de la difficulté à traduire, et j'avais préféré la laisser de côté pour attendre à un autre moment pour être capable de la traduire correctement. C'est la parole que j'ai mentionnée lorsque j'étais en train d'expliquer les paroles des imams au sujet de l'imam Abu Zur'a et les éloges, les paroles d'éloges qu'ils lui ont faites, ou bien des exemples qui montrent sa grandeur dans sa science et dans sa piété, et ainsi de suite. Et il y avait la parole du fils de l'imam Ahmad, Abdullah ibn Ahmad. Il dit, لَمَّا قَدِمَ أَبُو زُرْعَةَ نَزَلَ عِنْدَ أَبِي نَزَلَ عِنْدَ أَبِي وَكَانَ كَثِيرُ الْمُذَاكَرَةِ لَهُ فسمعت أبي يقول يوما ما صليت غير الفرض استأثرت بمذاكرة أبي زرعة. Donc cette parole, يعني, j'avais de la difficulté à comprendre en fait à cause d'une chose qui est mentionnée dedans. C'est-à-dire que l'imam Abdullah ibn Ahmad, le fils de l'imam Ahmad, il dit lorsque Abu Zur'a est venu, يعني, chez nous, il est venu, il a habité dans notre maison. Il est venu voir mon père. Et il faisait beaucoup de revisions des hadiths avec lui. Alors, j'ai entendu un jour mon père dire, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal, hein, il a dit, je n'ai pas prié autre que la prière obligatoire. J'ai préféré faire année de la revision ou faire la revision de Abi Zura. C'est-à-dire faire de la revision avec Abi Zura. Donc, c'est pour dire, Yanni, que l'imam Ahmad, il explique qu'il n'a pas prié une autre prière que la prière, les cinq prières obligatoires. Parce qu'on sait que les imams, alhamdoulilah, ils aiment faire des actes surérogatoires et faire des prières la nuit. Hein, et ils prient la nuit et ils font des salawat, nawafil, après les prières et ainsi de suite. Sauf que là, l'imam Ahmad, il dit, je n'ai pas prié autre que la prière obligatoire. J'ai préféré, yani, reviser la science des hadiths, et reviser les hadiths et les narrations avec l'imam Abu Zura. Donc, sur le coup, quand j'ai lu ça, yani, j'étais pas certain de qu'est-ce que ça pouvait signifier dans le sens que, comment l'imam Ahmad dit qu'il n'a pas prié autre que la prière obligatoire? Et, yani, plus tard après, yani, j'ai posé la question à d'autres frères que je connais, yani, qui ont l'habitude de traduire dans différents pays. Et, subhanallah, juste au moment où j'ai posé la question à un des frères, la signification m'est devenue claire. Yani, au moment même où je venais de terminer de poser la question. Et j'ai dit, c'est pas nécessaire de traduire puisque, yani, c'est pas nécessaire que tu m'expliques puisque j'ai compris. Ça y est. Et donc, j'ai compris que ça voulait dire, en fait, c'est une des significations qui montre, en fait, le mérite et l'excellence de la science et de reviser la science et d'étudier le ilm de la charia. C'est que les salafs, en fait, ils préféraient étudier et reviser la science que faire des ibadat nawafil, des actes de prière surérogatoires ou du jeûne, des jeûnes surérogatoires ou d'autres actes, par exemple des ibadat surérogatoires ou des prières la nuit. Mais s'ils avaient le choix entre reviser le hadith ou reviser la science et yani, faire des nawafil, ils préféraient reviser la science et étudier la science. C'est pour ça que je me souviens même en même temps, quand on étudiait par exemple à Médine, souvent, entre l'adhan et l'iqama, yani, plusieurs jours continuaient le dars jusqu'à l'iqama. Et les toulabs en général, les étudiants, ils se lèvent pas pour faire raka'atayn, ils se lèvent pas pour faire deux raka'a. Ils continuent à assister et écouter le dars. Donc quelqu'un qui n'aurait pas justement la compréhension de l'importance du ilm et de la science, pourrait s'imaginer, comme certains parmi les soufis parfois, ou par exemple des gens de tablir ou des gens qui donnent pas d'importance à la science, eux par exemple, ils vont laisser de côté le dars ou le ilm et ils vont se lever pour faire raka'atayn ou des choses comme ça. Hein, ils vont penser que de faire des ibadat personnel que c'est plus bénéfique, alors que en fait la science est plus bénéfique. La science, ok, la science de l'islam et du hadith et du fiqh et du tafsir et de la aqida, et tout ça c'est plus bénéfique que de faire des actes surérogatoires. Hein, c'est là une des meilleures parmi les actes surérogatoires, c'est étudier la ilm et apprendre la religion. Donc alhamdoulilah, les imams ils faisaient beaucoup d'ibadat, ils faisaient beaucoup de salawat, ils priaient la nuit, mais en même temps aussi, quand c'était le temps d'étudier la science, ils savaient la grande importance de ça et ils préféraient la science, hein, puisque c'est également une adoration. Ça fait aussi partie des adorations, puisque tu mentionnes les versets d'Allah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a toujours le rappel d'Allah dans le ilm, peu importe le livre que tu lis, peu importe le dars que tu écoutes, il y a toujours, c'est rempli de rappels, c'est rempli de dhikr, c'est rempli de ilm, il y en a des choses bénéfiques pour toi, pour ta foi, pour ton cœur. Et non seulement ça, un autre bienfait dans la science, c'est que cette science que tu as appris pour enlever l'ignorance que tu as en toi-même, eh bien, tu vas l'utiliser pour par la suite enlever l'ignorance qui est présente chez les autres. Et donc, c'est pas seulement un bien qui se limite à ta personne seulement, mais c'est un bien qui dépasse ta personne, qui profite également les autres personnes qui vont justement être capables de bénéficier ou de profiter de ce que tu as appris et que tu vas pouvoir leur enseigner cette science-là. Donc, c'est pas seulement un bien qui te revient à toi-même, comme quand tu fais la salat ou quand tu fais des prières la nuit ou des choses comme ça, des prières surérogatoires, mais c'est quelque chose qui dépasse ta propre personne et qui est bénéfique pour toute la Ummah par la suite. Donc, c'était juste une petite note en passant que je voulais mentionner à ce sujet. Na'am. Donc, on va commencer maintenant avec le texte. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر ابن محمد ابن عبد القادر ابن محمد ابن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع وأقرأ وأقر به قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر ابن أحمد البرمكي هو البرمكي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز نعم قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر ابن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز ابن مردك ابن أحمد البرذعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك فقال أدرك العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Donc, le cheikh, il commence le livre en mentionnant la chaîne de transmission de ce livre. Yani, qui est-ce qui l'a transmis à partir du fils de l'imam Abu Hatim, yani Abdurrahman ibn Abi Hatim, jusqu'à celui qui yani, l'a rapporté, et si c'est la version qui a été transmise de l'imam Al-Lalaka'i, donc c'est jusqu'à Al-Lalaka'i, ou bien sinon ça dépend de la différente narration de où est-ce qu'elle vient. Mais c'est rapporté de l'imam Abu Zur'a et de l'imam Abu Hatim, le père de Abdurrahman ibn Abi Hatim. Et ensuite la chaîne de transmission. Et l'imam Abdurrahman ibn Abi Hatim, le fils d'Abu Hatim, il dit, j'ai demandé à mon père, c'est-à-dire à Abu Hatim, et à Abu Zur'a, au sujet de la position de Ahl Sunnati wal Jama'a dans les fondements de la religion, c'est-à-dire au sujet de la Aqidah. Et qu'est-ce qu'ils ont connu, ou ce qu'ils ont rencontré parmi les ulama, et ce sur quoi ils étaient comme fondement dans la religion, dans toutes les différentes villes, qu'est-ce qu'ils avaient comme aqida, hein? Les différents ulama des différentes villes à l'époque, yani, les ulama d'Ahl Sunnah, c'était quoi leur position, c'était quoi leur aqida, yani, parmi les ulama qu'ils ont rencontrés. Et les deux ont répondu, nous avons rencontré les ulama dans toutes les différentes villes, que ce soit dans le Hijaz. Hijaz, c'est tout le bord de la péninsule arabe qui longe la mer Rouge, on appelle Hijaz, yani, et en particulier la Mecque et Médine, et Al-Irak, hein, l'Irak, Misr, c'est l'Égypte, Sham, c'est la région yani, qui à l'époque comprenait yani, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, toute cette région-là, le Liban, le sud de la Turquie, une partie de l'Irak, hein, toute cette région, on appelle en arabe Al-Sham. et également du Yémen, les ulama du Yémen. Et donc, ils ont rencontré les ulama de ces différentes villes-là et ils ont dit, parmi leurs positions, parmi leurs voies, c'est qu'on doit, ou bien qu'on dit que la foi, c'est une parole et une action, et qu'elle augmente et qu'elle diminue. Que la foi, c'est quelque chose qui est composé de la parole et de l'action, qui augmente et qui diminue. Donc ça, c'est la première partie, ou le premier point qui est mentionné dans la aqida des deux imams, Ar-Raziyan, c'est la définition de la foi, et qu'est-ce que c'est la foi, selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a, par opposition à ceux qui ont contredit la voix d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a à ce sujet-là, parmi les différentes sectes. Et donc là, maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafizahullah, au sujet de cette question. Donc le Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit, « Amma ba'd, فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة سأل فيها ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة كعادته يسألهما عن الأحاديث والعلل وعن تراجم الرجال لأنهما جبلان في العلم والحفظ والدين عقيدة وشريعة رحمهم الله ولذا اهتم بها اللالكائي فدونها خلال كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة كما اهتم بعقيدة الإمام أحمد رحمه الله وجزاه الله خيرا. Donc l'imam Cheikh Rabi', il dit ensuite, donc la aqida d'Ahl al-Sunna, ça c'est la aqida d'Ahl al-Sunna qu'on va lire, et c'est le fils de Abu Hatim qui pose la question à Abu Hatim, son père, et à Abu Zura, comme c'était son habitude, il leur posait des questions à tous les deux au sujet des hadiths, au sujet des fautes ou des problèmes qui existaient dans certains hadiths, qu'on appelle les ilal, hein, c'est des détails cachés, hein, des erreurs ou des problèmes cachés qui sont dans les hadiths, et au sujet des narrateurs. Au sujet des narrateurs de hadith et de leur état. Donc imaginez si vous avez la chance ou si vous aviez la grâce, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait à quelqu'un, de lui donner des parents ou un père qui est un imam dans l'islam, comme l'imam Abu Hatim ou l'imam Abu Zura. Hein? Et ça, c'est une grande grâce que Allah subhanahu wa ta'ala fait à un être humain, à quelqu'un, pour avoir quelqu'un dans sa famille, ou un proche ou un père, ou un oncle, qui est dans l'ilm, qui est un grand savant de l'islam. Donc ça, c'est une ni'ma, c'est un fadl azim. Et donc, Ibn Abi Hatim, il avait cette grâce-là, donc d'avoir un père qui est un grand savant, et donc il lui posait des questions, à lui ainsi qu'à Abu Zura, son père et Abu Zura. Et les deux, c'était deux grandes montagnes dans la science, dans la mémorisation de la religion, et dans la religion, dans la aqida et dans la sharia, que Allah leur fasse miséricorde à eux tous. Et c'est pour cette raison-là que l'imam al-Lalakai, dans son livre « Sharh intiqad usul ahl sunnati wal jama'a » a donné de l'importance à cette aqida. Et il l'a retranscrite dans son livre. De même qu'il a également retranscrit et donné de l'importance à la aqida de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, et à beaucoup d'autres également, parmi les exemples de la aqida des différents imams aussi qui sont mentionnés dans son livre, comme la aqida de l'imam al-Bukhari et la aqida de d'autres également parmi les imams. Donc il dit wa huna fi al-isnad hada ila ibn Abi Hatim akhbarana Muhammad ibn al-Muzaffar al-Muqri haddathana الحسين بن محمد ابن محمد ابن حبش المقري وليس بينه وبين أبي حاتم إلا اثنان فقط. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة والمذهب عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. فالسؤال عن أصول الدين أولا، وثانيا عن من أدرك من العلماء ماذا يعتقدون، ما هي عقيدتهم، ما هو منهجهم، ما وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. Donc le cheikh il explique que dans la chaîne de transmission jusqu'à l'imam Ibn Abi Hatim il y a Muhammad Ibn Muzaffar al-Maqri al-Muqri et al-Hussein Ibn Muhammad Ibn Habsh al-Muqri. Il y a juste deux personnes entre Abi Hatim. Il n'y a que deux personnes entre lui et Ibn Abi Hatim, ou entre lui et Abu Hatim. Et il dit que Abdurrahman ibn Abi Hatim, il a dit par la suite, il a posé la question à son père et à Abu Zur'a au sujet des positions d'Ahlu Sunnah wal Jama'a dans les fondements de la religion et qu'est-ce qu'ils ont rencontré les ulama dans les différentes villes. Yani, quand ils les ont rencontrés, c'était quoi leur position, c'était quoi leur aqidah. Et le cheikh il dit donc que la question ici c'était au sujet des fondements de la religion en premier, c'est-à-dire au sur-le-din, fondement de la religion, c'est-à-dire la aqidah ici dans le contexte dont on est en train de parler. Et yani, la aqidah et les fondements de l'islam de façon générale. Et deuxièmement, les ulama qu'ils ont rencontrés, c'était quoi leur aqidah, c'était quoi leur croyance, c'était quoi leur conviction, et c'était quoi leur méthodologie, c'était quoi leur manhaj. Donc yani, qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez les ulama des différentes villes lorsqu'ils les ont rencontrés, c'était quoi, sur quoi ils étaient comme aqida et comme manhaj. وما يعتقدان من ذلك أيضا. C'est-à-dire, et qu'est-ce que ces deux imams-là, Abu Hatim et Abu Zur'a, qu'est-ce qu'ils croyaient eux aussi également de ces questions-là. فسألهم عن عقيدة أهل السنة وعن عقيدة العلماء الأمصار وعن عقيدتهما. فأجاب رحمهم الله أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في جميع هذه الأمصار وقبلهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان على هذه العقيدة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. Donc le cheikh il explique que donc il demande Ibn Abi Hatim, il demande c'était quoi la aqida de ces deux grands imams, il leur demande c'était quoi leur aqida et il leur demande la aqida d'Ahlus Sunnah c'était quoi aussi chez les ulama, yani la aqida des ulama qu'ils ont rencontrés dans les différentes villes et c'était quoi leur aqida à eux aussi. Et donc les deux grands imams, Abu Hatim et Abu Zur'a, ont répondu, rahimahumullah, et ils ont dit, nous avons rencontré les ulama dans toutes les villes du Hijaz et de l'Irak et de l'Égypte et yani, du Sham et du Yémen, et leur voix yani, au sujet de la aqidah de Ahlus Sunnah, c'était que la foi, c'est composée de la parole et des actions. Donc c'est une parole et une action. Ça augmente, elle augmente avec, yani elle augmente et elle diminue. Et ça c'est la position d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Dans toutes les différentes villes, et avant eux, les Sahaba, qu'Allah soit satisfait d'eux, de même que les Tabi'un, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ils étaient tous sur cette aqida, que la foi c'est une parole et une action. Elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés. وهذا دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف المرجئة والخوارج. Ça c'est prouvé par le livre d'Allah et la sunna du messager صلى الله عليه وسلم, contrairement à la voie des murji'a et des khawarij. Donc le cheikh maintenant il explique c'est qui sont les murji'a et les khawarij. Donc il dit fa inna al murji'a يقولون الإيمان المعرفة معرفة القلب فقط وهذا عقيدة الجهمية قبحهم الله وهي عقيدة كفرية وهي عقيدة إبليس يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف بعض صفاته سبحانه وتعالى وأنه الخالق وأنه ذو العزة والكمال وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Donc le cheikh il explique que premièrement les murji'ah sont yani ceux qui disent, parmi les exemples des murji'ah, parce qu'il va expliquer qu'il y en a différents degrés de murji'ah, et il commence en disant que les murji'ah sont ceux qui disent que la foi c'est seulement la connaissance. C'est-à-dire tu connais Allah seulement avec ton cœur, donc tu es un croyant. Ça c'est la aqidah des jahmiyyah. Hein? Les jahmiyyah sont des murji'ah. Hein? C'est les plus extrêmes même en ce qui concerne la croyance. Donc le cheikh il mentionne donc que c'est les jahmiyyah et il dit qabbahahumullah, qu'Allah les maudisse. Et il dit que leur aqida est une aqida kufriya, c'est-à-dire c'est une croyance de kufr, c'est-à-dire cette croyance-là c'est de la mécréance, de penser que la foi c'est seulement de connaître Dieu avec son cœur, ça c'est du kufr. Et il dit que c'est la aqida de Iblis, c'est la croyance de Iblis, le diable, hein? Parce que Iblis, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et il connaît même certains de ses attributs, et il connaît, il sait que c'est le créateur. Iblis sait que Allah est le créateur. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède la puissance et la perfection, et qu'il guide qui il veut, et qu'il égare qui il veut. Et la preuve de ça, c'est des exemples de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné justement à propos d'Iblis dans le Coran. Et le Cheikh, il cite justement à ce sujet-là les versets 16 et 17 dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, où c'est mentionné. Il dit, donc ça c'est le shaitan qui dit ça, shaitan dit, puisque tu m'as mis en erreur. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc ça veut dire que le shaitan il reconnaît que Allah existe, et il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Donc il sait même que Allah subhanahu wa ta'ala a un droit chemin. Et il dit, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc ça, c'est l'exemple qui est mentionné. Donc le cheikh, il dit, après avoir cité ce verset, il dit, فَهُوَ يَعْتَرِفُ بِرُبُوبِيَةِ اللَّهِ وَيَعْتَرِفُ بِعِزَّتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهُ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Donc, il dit le cheikh que Iblis reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala est le souverain, et que c'est lui qui a la rububiyya, c'est-à-dire que c'est lui qui a la seigneurie, que c'est lui le maître, le créateur, le pourvoyeur, celui qui contrôle tout dans l'univers. Il reconnaît ça. Et il reconnaît sa puissance, parce qu'il dit fabi'izzatika, dans d'autres versets. Donc tout ça c'est des exemples qui montre que yani, il reconnaît que Allah existe, il connaît sa rububiyya et que c'est lui qui guide qui il veut et qui égare qui il veut. Mais malgré tout, c'est un kafir. Iblis, c'est un kafir, même s'il reconnaît tout ça. Hein? Parce qu'il refuse de se soumettre à Allah et d'adorer Allah, et d'obéir à Allah. Donc le cheikh, il dit, « فَالْجَهْمِيَ يَقُولُونَ الْإِيمَانَ الْمَعْرِفَةَ فَقَدْ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْغُلَاتِ هُمْ غُلَاتُ الْمُرُجِئَةِ قَبَّحَهُمُ اللَّهِ » Donc le cheikh, il dit que les jahmiya sont yani, les gens qui disent que la foi, c'est seulement la connaissance du cœur. Seulement. Et ceux-là, c'est les extrémistes parmi les Mourdia, qu'Allah les maudisse. Et il y en a des musulmans aujourd'hui qui ont cette croyance-là parmi les gens d'égarement, parmi les différentes sectes, hein, qui ont cette idée-là, qui pensent que du moment que tu connais Dieu, ça y est, c'est suffisant. T'es croyant, peu importe qu'est-ce que tu dis, peu importe qu'est-ce que tu fais, même si tu fais aucun acte d'obéissance, et même si tu fais tous les péchés qu'Allah a interdits, du moment que tu dis « je connais Dieu dans mon cœur », ça y est, ça suffit. Et ça, c'est bien entendu, c'est de l'égarement. Hein. Ensuite, le cheikh il dit « wa murji'atun ukhra, wa hum murji'atul fuqaha, yaqulun al-iman qawlun bil-lisan wa tasdiqun bil-qalb, yaqulun al-tasdiq bil-qalb, wa al-nutq bil-lisan faqat, wa al-a'mal la tadkhulu fil-iman ». C'est-à-dire, ils disent que, le cheikh dit, il y a d'autres murji'a aussi. Parmi eux, hein, il dit, il y a les murji'a qu'on appelle murji'a tul fuqaha. Et ceux-là, ils disent que la foi, c'est une parole de la langue et une reconnaissance ou une croyance du cœur. Donc, tu crois avec le cœur et tu prononces ou tu parles avec ta langue. Tu dis la foi avec la langue seulement. Les actions n'entrent pas dans la foi selon eux. Hein? Donc les actions que tu fais, ça touche pas à ta foi. Que tu fasses des péchés ou que tu négliges les actes d'obéissance et d'obligation, yani pour eux, ça affecte pas ta foi. Il dit wal khawarij yaqulun al-iman qawlun wa amal wa i'tiqad walakinahu la yazidu wa la yanqus. لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقص. Les Khawarij, c'est l'autre extrême. C'est l'autre extrême, l'opposé des Murji'a. Et ils disent que la foi, c'est une parole et une action et une croyance. Donc là, ça, c'est la position. Sauf qu'ils disent, eux, que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Parce que pour eux, la foi, c'est une chose unique. Hein, c'est comme un tout. Et puis, elle ne peut pas augmenter ou diminuer. Hein, parce que pour eux, c'est un tout. C'est une chose entière, complète. Si tu en perds une partie, tu perds tout. Si elle diminue, ça veut dire que tu n'en as pas du tout pour eux. C'est pour ça qu'ils font le takfir des musulmans qui font des péchés et qui commettent des grands péchés. Et si la... S'il perd une partie de sa foi, ça veut dire qu'il a tout perdu. Mais, le cheikh dit, « ولكن أهل السنة عندهم الإيمان موزع على القلب واللسان والجوارح اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان الإيمان قول وعمل دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال تعالى في زيادة الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه الآيات يحدد الله فيها المؤمنين كامل الإيمان المؤمنين حق الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وهذا عمل القلب ويذكره عند المعصية فيرتجف ترتجف فرائسه فيقلع عنها أو يذكره هكذا فيخافه إنما يخشى الله من عباده العلماء. يخشى الله مطلقا، خشية الله يعني وتقواه تلازمه. فهذا المؤمن، هذه أعمال القلب. Donc le cheikh il dit, donc la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est que la foi yani, est distribuée sur le cœur, la langue et le corps. C'est-à-dire que c'est une croyance dans le cœur, une parole avec la langue et une action avec le corps. Et la foi, donc, c'est une parole et une action. Et ça, c'est prouvé par le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et tu peux lire la parole d'Allah dans le Coran au sujet de l'augmentation de la foi, dans les versets 1 à 4, dans Surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de cette surah, yani, les croyants sont uniquement ceux que lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat, donc ce sont ceux qui établissent la salat et qui donnent ou qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront auprès de leur Seigneur des degrés et un pardon et une noble subsistance. Donc tout ça, c'est des versets qui nous expliquent et qui nous clarifient la réalité de la foi. Et qu'est-ce que c'est le mu'min? Qui est le vrai mu'min? Donc on voit que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il détermine et il délimite yani, qui sont les croyants qui ont la foi complète et parfaite. Les croyants qui méritent réellement yani, d'être appelés croyants, qui ont une foi yani, totale, complète. Et il dit dans le verset que ce sont ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et ça, donc, le fait que le cœur de quelqu'un frémit à la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça c'est une action du cœur. Et c'est le fait que la personne, lorsque par exemple, elle est sur le point de commettre un péché, puis elle se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, yani, elle frémit, son cœur frémit à la mention d'Allah, et donc, automatiquement, elle s'écarte de ce péché, elle cesse de vouloir le faire, et elle cesse de le faire. Ou bien, yani, juste parce qu'elle s'est souvenue d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça. Et elle la craint. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans Surat Fatir, que seuls les ulama, les savants, parmi ses serviteurs, le craignent. Et parmi les serviteurs d'Allah, seuls les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est yani, pour dire que la personne qui a craint Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue, hein, de façon complète, là, yani, et ça c'est, yani, c'est-à-dire que cette personne, elle est pieuse, elle a de la taqwa. Taqwa et la crainte d'Allah, c'est deux choses qui sont, qui s'impliquent l'une l'autre. C'est des choses qui sont reliées ensemble. La piété et la crainte d'Allah. Puisque, la piété, c'est de faire ce que Allah nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense et en son paradis. Donc, la crainte d'Allah et la taqwa, la piété, c'est deux choses qui sont reliées. Et donc, tout ça, c'est pour dire que cet aspect de la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala et de frémir, d'avoir un cœur qui frémit à la mention d'Allah, ça fait partie de, yani, ça fait partie de, yani, de des actes ou des actions du cœur. Ensuite, il dit wa idha tuliyat, il mentionne la suite du verset, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Wa hadha nassun fi ziyadati al-iman. An al-iman yazid alladhi indahu khuluq wa indahu ihtiram li kitab Allah. تكفيه هذه الآية فضلا عن الأحاديث الأخرى. Donc, Cheikh il dit Et lorsqu'on leur récite ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente leur foi, cela fait augmenter leur foi. Et ça donc, c'est un texte qui prouve que la foi, elle augmente, qu'il y a une augmentation de la foi qui est possible. Et que la foi, elle augmente pour celui qui a un bon comportement, pour celui qui respecte le livre d'Allah. Et cela lui est suffisant comme preuve. Ce verset, à lui seul, il est suffisant comme preuve. De même que sans parler des autres hadiths, il y en a qui clarifient encore plus ces questions-là. Et il dit ensuite, « وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ هَذَا عَمَلُ الْقَلْبِ » Et ils mettent leur confiance en leur Seigneur, qu'ils mettent leur confiance. Ça fait partie aussi des actes du cœur. Parce que « التَوَكُّل » c'est une des actions, parmi les actions du cœur, une adoration du cœur. Et bien entendu, ça part du cœur. Et après, bien, c'est sûr que ça a des implications par la suite. Et ça va avoir une influence par la suite sur les actions. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ La suite du verset. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هَذَا عَمَلُ الْجَوَارِحِ C'est-à-dire ceux qui établissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, c'est-à-dire ceux qui dépensent de ce que Allah leur donne comme risque, ça fait partie des actions du corps. Donc c'est pour dire que les croyants, quand ils respectent tous ces différents aspects-là, ça prouve que leur foi, c'est pas seulement une parole, c'est pas seulement quelque chose qu'ils ont dans le cœur, mais il y a aussi des actions qui sortent de cette foi-là. Et c'est l'exemple ici qui dit qu'ils sont, c'est-à-dire les croyants, ceux qui établissent la salat. Et la salat, c'est une action du corps, et du cœur aussi, bien entendu, et de la langue, mais c'est également avec le corps. Et de dépenser de ce qu'Allah nous donne, ça aussi, ça fait partie des actions du corps. Ensuite, le verset continue, أولئك هم المؤمنون حقا يعني حق الإيمان صادقون في إيمانهم بشهادة الله لهم donc ceux-là sont les réels croyants, les vrais croyants. Et donc le cheikh il dit, ça c'est donc la réalité de la foi. Ils sont sincères dans leur foi et véridiques dans leur foi, يعني par le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur et pour eux. Allah dit, ceux qui ont ces caractéristiques-là, ce sont eux les vrais croyants. Donc si quelqu'un te vient par exemple après par la suite et te dit, moi je ne fais pas la salat, ou bien moi je fais des péchés et je suis insouciant dans ma religion, et qui dit, mais j'ai quand même une foi et ma foi elle est complète, la foi c'est dans le cœur, tu lui dis non, ça c'est pas possible. Allah, il a décrit les vrais croyants dans le verset, dans Surat Al-Anfal, au début, il a décrit qui sont les vrais croyants. Et il les a décrits de cette façon-là. Donc, si ta foi, elle n'est pas, si ton exemple ne respecte pas ce qui est mentionné dans ces versets-là, ça veut dire que tu ne peux pas prétendre d'être un croyant avec une foi complète et parfaite. Peut-être que tu es un croyant dans le sens que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu es un musulman, mais dans ta foi, il y a des faiblesses. Il y a de la faiblesse, il y a des défaillances, il y a des choses qui sont incorrectes, que tu dois corriger. Donc ta foi, elle n'est pas complète. Tu dois parfaire, travailler sur ta foi et faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne de faire si tu veux réellement être un croyant. نعم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا جزاؤهم آمنوا بالله بجوارحهم وقلوبهم وبألسنتهم donc la suite du verset ils ont des degrés auprès de leur Seigneur et un pardon et une noble subsistance ça c'est leur récompense. Qu'est-ce qu'ils auront comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont cru en Allah, avec leur corps, avec leur cœur et avec leur langue. Donc, le cheikh, il dit, فَالْإِيمَانُ إِذَنْ قَوْلٌ وَعَمَلٌ واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. Donc la foi, hein, dans ce cas-là, c'est une parole et une action et une croyance qui augmente avec les obéissances, avec les actes d'obéissance, et qui diminue avec les péchés, avec les désobéissances. Le cheikh il dit: وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى زِيَادَةِ الْإِيمَانِ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ الْفَتْحِ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذا نص في زيادة الإيمان. Il dit le cheikh que parmi les preuves également que la foi augmente, hein, pour réfuter ceux qui prétendent que la foi augmente pas, يعني, il y a le verset dans sourate Al-Fath. Dans sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: c'est lui, c'est Allah qui fait descendre, qui a fait descendre sur le cœur des croyants as-sakina, la tranquillité, hein, le repos, la tranquillité, pour qu'ils rajoutent de la foi à leur foi, c'est-à-dire pour qu'ils augmentent leur foi, qu'ils rajoutent à leur foi de la foi, hein. Donc ça, c'est un texte, hein, de la révélation qui est explicite est clair au sujet de l'augmentation de la foi. Personne ne peut renier ce verset. Hein? Personne ne peut prétendre qu'il n'est pas clair. لِيَزْدَادُ إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. C'est-à-dire pour ajouter de la foi à leur foi. Le cheikh il dit ensuite: وَالْإِيمَانِ يَزِيدُ بِأَعْمَالِ الْقُلُوبِ وَيَزِيدُ بِأَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَتَخْشَى اللَّهَ فِي قَلْبِكَ وَتَهَابُهُ يزداد إيمانك تعمل تصلي تصوم تزكي تحج تبر والديك تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تنصح للإسلام والمسلمين كل هذه تجعل الإيمان يزيد ويزيد حتى يصير أمثال الجبال هذه من أدلة زيادة الإيمان. Donc le cheikh il dit: la foi elle augmente avec les œuvres, les actions du cœur, et elle augmente également avec les actions du corps. Donc tu crains Allah dans ton cœur, hein, et tu as du respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait augmenter ta foi, et donc tu agis, tu fais ta salat, tu fais ton jeûne, tu fais ta zakat, tu fais ton hajj, hein, tu agis bien avec tes parents, t'ordonnes le bien, t'interdis le mal, et tu conseilles les musulmans, hein, tu fais preuve de sincérité envers l'islam et envers les musulmans. Tout ça, c'est quelque chose qui augmente ta foi et qui la fait augmenter jusqu'à ce qu'elle devienne comme les montagnes. C'est-à-dire que ta foi, elle peut augmenter à un point tel qu'elle devient aussi grande que les montagnes. Hein, c'est possible. Et parmi les preuves de l'augmentation, donc ça fait partie des preuves que la foi peut augmenter. Le cheikh dit ensuite: وهناك آيات أخرى أيضا تدل على أن الإيمان يزيد. وهناك أحاديث تدل وهناك أحاديث تدل على أن الإيمان ينقص. أي نعم. وهي أحاديث الشفاعة المتواترة تدل على أن الإيمان ينقص، مثل حديث يخرج من النار في من في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو نصف دينار، أو مثقال شعير، أو مثقال ذرة أو أدنى من مثقال ذرة، فيزيد حتى يصير أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى إلا أدنى من مثقال ذرة من إيمان. أي نعم. Donc le cheikh il dit parmi les, donc il y a d'autres versets qui prouvent que la foi elle augmente, et il y a des hadiths qui prouve que la foi diminue. Et ces hadiths-là, parmi ces hadiths, il y a le hadith de, les hadiths de la shafa'a, qui sont mutawatira. C'est-à-dire les hadiths de la shafa'a, c'est-à-dire les hadiths qui parlent de l'intercession au jour de la résurrection. Hein? Les croyants auront droit à l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Et parmi les hadiths qui parlent de l'intercession, il y a yani, les hadiths qui indiquent que la foi diminue. Comme l'exemple du hadith suivant. C'est des hadiths qu'on retrouve dans Al-Bukhari et Muslim. On retrouve ces hadiths dans Al-Bukhari et Muslim. C'est des hadiths authentiques. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh, il cite une partie du hadith en question et qui est mutawatir. Mutawatir, ça veut dire qu'il est rapporté par tellement un grand nombre que personne ne peut douter de son authenticité. Hein? Personne ne peut douter de son authenticité. C'est authentique à 100%. تدل على أن الإيمان ينقص مثل حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذي نار من إيمان. Donc ça c'est, il y a des hadiths comme ce hadith de Shafa'a comme je disais, qui prouve que la foi diminue. Et c'est le hadith qui dit que yani, toute personne qui a le poids dans ce qui, toute personne qui a dans son cœur le poids d'un dinar de foi sortira de l'enfer. Ou même la moitié d'un dinar. Ou même le poids d'une graine d'orge. Ou yani, d'une graine de blé. Ou même, yani, même plus petit qu'une graine de blé. Ou plus petite qu'une graine de, yani, de la plus petite graine que tu peux trouver. Yani. فيزيد حتى يصير أمثال الجبال. Et elle peut augmenter jusqu'à ce qu'elle devienne aussi grande que les montagnes. Et elle diminue jusqu'à ce qu'elle ne soit, yani, jusqu'à ce qu'elle soit plus petite que, yani, la plus petite, yani, le poids de la plus petite particule de foi. Donc c'est pour dire que la foi peut augmenter et elle peut diminuer également. Tout ça c'est mentionné dans le hadith en question. Na'am. Wa man alladhi yanqusuhu? Wa man alladhi yanqusuhu? Al-ma'asi allati yadkhuluna bi sababiha an-nar. Walakin Allah yukhrijuhum bit-tawhid. Yukhriju min an-nar man kana fi qalbihi adna mithqala dharratin min iman. Donc le cheikh il dit, donc on sait maintenant que la foi, elle peut diminuer, puisque il y en a des gens qui auront des fois qui sont plus petites que le poids gagné d'une atome de foi, hein, d'une graine de foi. Mais qu'est-ce qui fait diminuer leur foi? Cheikh, il dit, c'est les péchés. C'est les péchés qu'ils ont commis qui les ont fait rentrer en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va les faire sortir de l'enfer à cause de leur tawhid, parce qu'ils ont cru au tawhid et qu'ils n'ont pas fait de shirk. Donc, le cheikh, il cite le hadith, il dit, toute personne qui a dans son cœur un poids plus petit qu'une graine de foi yani, dans son cœur, Allah va le faire sortir de l'enfer. Et il dit, فَيُعَذِّبُ اللَّهُ الزُّنَاتِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ والسراق وقطع الطرق والمفسدون في الأرض والمفسدين في الأرض والظالمين المرابين لأنه من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بالذنوب ولا يحكمون على العصاة بالخلود في النار بخلاف الخوارج فإنهم يكفرون بالذنوب ويحكمون على مرتكب الكبيرة أنه يدخل النار ويخلد فيها أبد الآبدين ولا تقبل فيهم شفاعة الشافعين. Donc le cheikh il explique et il dit que Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va punir les gens qui commettent l'adultère, la fornication, et il va les châtier. Ou également, et également les voleurs, les brigands, ceux qui commettent le désordre sur la terre, ceux qui font de l'injustice, les gens qui mangent du riba, hein, ils vont être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que parmi la aqidah d'Ahl Sunnah, parmi les éléments de notre croyance, la croyance des gens de la Sunnah, c'est qu'on dit que, ils disent que quelqu'un ne devient pas kafir, ou on ne déclare pas kafir quelqu'un à cause d'un péché qu'il a commis. Et on ne dit pas que les pécheurs, les gens qui commettent des péchés, seront éternellement en enfer. Contrairement aux Khawarij, qui eux disent que celui qui fait des péchés est kafir. Ils font le takfir, ils déclarent mécréant celui qui commet des péchés, et ils décrètent à son sujet, ils décrètent au sujet de ceux qui commettent des grands péchés, qu'ils seront en enfer et qu'ils vont y demeurer pour l'éternité, et qu'ils n'auront pas droit à, ou qu'on n'acceptera pas à leur sujet l'intercession des intercesseurs. Donc ça, c'est la aqidah des Khawarij. Donc contrairement à la aqidah d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on ne fait pas le takfir, on ne déclare pas kafir un musulman parce qu'il commet un péché, et on ne dit pas non plus que ceux d'entre les pécheurs qui vont en enfer, qu'ils vont y rester pour toujours. Non, on dit qu'ils vont, comme on l'a lu dans le hadith, qu'ils vont sortir de l'enfer après un certain temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse sortir de l'enfer celui qui a même une seule une graine de moutarde d'atome, ou une graine de moutarde de foi, une petite particule de foi dans son cœur. Du moment qu'il a ça, il ne va pas rester éternellement en enfer. Ensuite, le cheikh il dit بينما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة تدل على أن هناك شفاعات في العصاة وفي غير العصاة. للرسول صلى الله عليه وسلم شفاعات في إنقاذ الناس من الموقف يأتون الناس إلى آدم عليه السلام عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويستحي من ربه لأنه أخطأ بأكل الشجرة ويقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ويحيل إلى نوح لأنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام ويستحي من ربه أن يشفع لأنه يستحي من ربه أن يشفع لأنه يرى نفسه أخطأ في دعوته على قومه فأهلكهم الله. هذا عذره فقط، يستحي من ذنب واحد أحسن من حسناتنا، يستحي من الله تبارك وتعالى، فلنستحي من الله حق الحياء في كل شيء من أمور حياتنا. Donc le cheikh explique ensuite, il dit dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est mutawatira, c'est-à-dire qui est mentionné et rapporté par un nombre tellement grand de rapporteurs que on peut pas douter de son authenticité, c'est très clair. Et dans ces hadiths-là, on trouve donc dans la sunna qu'il y aura plusieurs intercessions pour les pécheurs et pour autres que les pécheurs au jour de la résurrection. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aura lui-même des intercessions pour sauver des gens au jour de la résurrection. Juste même l'exemple de Al-Mawqif, c'est-à-dire lorsque les hommes sont debout Yani, ils attendent le jugement. Hein, c'est ce qu'on appelle yani, al-mawqif. Donc, à ce moment-là, les gens sont debout et ils attendent le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala et yani, ils cherchent quelqu'un pour intercéder auprès d'Allah en leur faveur. Alors, ils vont au premier des hommes, Adam alayhi salam, et ils lui demandent d'intercéder pour eux. Mais Adam alayhi salam s'excuse parce qu'il est gêné d'intercéder pour eux chez leur Seigneur. Et il mentionne qu'il a commis une faute en mangeant de l'arbre. Et il dit, mon Seigneur aujourd'hui est en colère, d'une colère dans laquelle il ne s'est jamais mis avant celle-ci. C'est-à-dire, la colère d'Allah ce jour-là, elle n'est comparable à la colère d'aucun autre jour, par rapport à une autre colère. C'est la plus grande colère, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est ce jour-là. Et avant ce jour-là, il n'avait pas eu de colère pareille ou comparable. Et il ne sera pas en colère après cette colère-là comme il sera en colère ce jour-là. Donc il n'y a pas de colère pareille ni avant ni après. Donc on peut imaginer que cette colère-là, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala est le plus en colère. Et Adam alayhi salam renvoie les gens vers le prophète Noé, le prophète Nuh alayhi salam. Et il l'envoie vers Nuh parce que c'est le premier des messagers qui a été envoyé aux habitants de la terre. Et Nuh alayhi salam s'excuse lui aussi. Il est gêné parce que il est gêné d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il se voit comme ayant commis une erreur lorsqu'il a invoqué contre son peuple pour que Allah les anéantisse et que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait tous périr. Donc il s'excuse lui aussi et il est gêné d'un péché qui est meilleur que toutes nos hasanat en réalité. Mais il est gêné devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous-mêmes aussi on devrait avoir cette gêne et être gêné devant Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les affaires de notre vie. Il dit فَيَقُولُ نُوح عَلَيْهِ السَّلَامِ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يعني اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. نعم. Donc نوح عليه السلام qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Il va dire mon Seigneur aujourd'hui est dans une colère qu'il n'a jamais été dans laquelle, comme il n'a jamais été auparavant et comme il ne sera jamais après, également. Allez voir quelqu'un d'autre que moi, allez voir Ibrahim. Donc il les envoie vers Ibrahim. Il dit وكذلك إبراهيم عليه السلام كذب كذبات وهي توريات ليست كذبات حقيقية اعتبرها كذبا اعتبرها معصية وهو يخجل من الله عز وجل أن يشفع يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي يعني يحيلهم على موسى. Donc Ibrahim عليه السلام il a dit quelques mensonges. En réalité c'est pas des mensonges, c'était des moyens qu'il avait utilisés pour mentionner certaines paroles d'une manière qui paraît vraie, mais en réalité c'était dans le but d'éviter quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'on appelle tauria? Tauria, c'est lorsque tu dis pas la vérité, mais tu dis pas un mensonge, mais tu dis pas la vérité en même temps. Hein? Donc ça c'est lorsqu'il était dans certaines situations pour se sortir de certains problèmes, certaines situations compliquées, comme par exemple un exemple dont je me souviens, c'est lorsqu'il était rentré chez Nimrod. Nimrod, c'était un roi de cette époque. Et Nimrod était un homme injuste, un mécréant, quelqu'un qui reniait Allah subhanahu wa ta'ala et son existence. Et on a l'exemple de son histoire lorsque Ibrahim alayhi salam est rentré chez lui. Il lui a dit, mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et Nimrod a dit, moi aussi je peux faire vivre, je peux faire mourir. Il a ramené deux hommes et il en a fait vivre un, laisser vivre un, et l'autre il l'a fait exécuter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, il a dit, mon Seigneur est celui qui fait venir le soleil de l'est, alors fais-le venir de l'ouest si tu peux. Lever le soleil de l'est, alors fais-le lever de l'ouest. Faburit allazi kafar, le mécréant est resté bouche bée, il pouvait plus rien dire. Donc ça c'est l'exemple. C'était un roi injuste et mécréant. Et Ibrahim alayhi salam avait une épouse, Sarah, et elle était belle, elle était jeune et belle. Alors il savait que si Nimrod la voyait, il allait peut-être vouloir le tuer pour pouvoir la prendre. Alors, il lui a dit que c'était sa sœur. Il lui a dit que c'était sa sœur, pour éviter de se faire tuer. Et bien entendu, les croyants sont des frères et sœurs. Donc, c'était pas un mensonge dans ce sens-là, dans le sens que souvent que c'est une croyante, c'est une sœur, c'est ta sœur. Si c'est une croyante, c'est ta sœur. Mais en même temps, c'était son épouse. Mais il l'a caché. Tauria. Tauria. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui sont rapportés, de différents exemples de ça. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais le mot Tauria exactement. Mais Inch'Allah, je vais chercher. Je vais comme essayer de trouver plus de détails sur ça, pour être capable de l'expliquer un peu mieux la prochaine fois, Inch'Allah. Ensuite, il dit, donc, il considère, même si ce n'était pas des mensonges, qu'est-ce qu'il avait dit, ce n'était pas réellement des mensonges, mais lui, il considérait que c'était un péché et qu'il avait menti. Donc, il avait peur d'Allah et il avait peur de demander l'intercession. Et il a dit comme les autres prophètes, mon Seigneur c'est aujourd'hui a une colère, il s'est mis dans une colère dans laquelle il n'a jamais été auparavant et il ne sera jamais en colère comme ça après non plus. Il a dit moi, c'est-à-dire il pense uniquement à sa personne ce jour-là. Il les a renvoyés à Moussa alayhi salam. Après le cheikh dit, Moussa alayhi salam qatala qibtiyan zaliman كافرا واعتبر هذا من سيئاته في الدنيا والآخرة وعفى الله عنه في الدنيا مع توبة الله عليهم ومغفرة الله لهم ورفعه لدرجاتهم واختيارهم للنبوات والرسالات مع ذلك هم يخجلون من الله في تلك الأخطاء عليهم الصلاة والسلام. فيقول موسى عليه السلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي اذهبوا إلى عيسى. Donc موسى عليه السلام il a tué un copte qui était injuste et mécréant, et il a considéré ça comme faisant partie de ses péchés dans la dunya et dans l'au-delà. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui en avait épargné, il avait pardonné dans la dunya. Et Allah a accepté sa repentance et son pardon. Et en plus, il ne l'a pas tué volontairement, c'était un accident. Il l'a frappé, puis il est mort. Donc, mais malgré tout, il considérait qu'il yani, il avait commis cette faute et il n'osait pas donc intercéder. Et tous ces prophètes, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a pardonnés et les a choisis, donc les a élevés en degré et les a choisis pour son message, pour sa prophétie. Et malgré ça, ils ont peur d'Allah pour ces erreurs-là. Imaginez, si c'est comme ça que les prophètes sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, imaginez-nous avec toutes les fautes et les péchés qu'on commet, et parfois même on se demande est-ce qu'on a vraiment peur d'Allah ou est-ce qu'on a vraiment de la gêne devant Allah, hein? Ensuite Moussa alayhi salam a dit: mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère qui n'est pas comparable. Il n'y en a pas de colère comparable avant celle-ci ni après. Allez voir autre que moi. Hein, il a dit moi, allez voir autre que moi, allez voir Isa, alayhi salam. Et donc, ils vont voir Isa. وَيَأْتُونَ إِلَىٰ عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمِ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي فيحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يشفع يقول أنا لها ويذهب ويخر ساجدا بين يدي الله تبارك وتعالى ويشفع في إنقاذ الناس من ذلك الموقف الرهيب الذي تدنو فيه الشمس من الناس فتسهرهم حتى يغرق الكثير منهم في العرق منهم ومن يبلغه إلى قدميه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى صدره ومنهم من يلجمه العرق الجاما سبحان الله. Donc on va terminer ce dernier paragraphe, puis on va s'arrêter, Inch'Allah. Il dit le cheikh qu'ensuite, donc, il va voir Isa, les gens vont voir Isa par la suite pour demander l'intercession. Et il dit, Isa, alayhi salam, leur dit, mon Seigneur est dans une colère aujourd'hui, qui ne sera pas, qu'il n'y a pas de colère comparable avant cette colère, et ni après non plus. Moi, hein. Et il les envoie vers Muhammad alayhi salatu wassalam. Et Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yani, intercède. C'est lui qui dit, ana laha, c'est-à-dire, c'est pour moi cette intercession. Et, yani, je suis pour cette intercession-là, c'est moi qui va la faire. Et il va donc aller et se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala et intercéder pour sauver les hommes de cette position et de cette situation difficile dans laquelle ils sont au jour de la résurrection, puisque c'est un jour où ils sont debout, hein, et ils attendent le jugement et le soleil est proche de leur tête, hein, et ils transpirent à un point que certains d'entre eux même se noient dans sa sueur. Certains ont de la sueur jusqu'à ses pieds, d'autres jusqu'à leur genoux, d'autres jusqu'à leur hanche, d'autres jusqu'à leur poitrine, et d'autres sont complètement noyés dans leur sueur. Ils ont de la sueur jusqu'en haut de leur bouche. Et donc, subhanallah. Donc le cheikh il dit: والناس في أهوال لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى من هذا الموقف مؤمنهم وكافرهم إلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والناس في هذا الأمر الشديد والأمر الرهيب وهم في ظل عرش الله بأعمالهم الصالحة سبعة يظلهم الله يوم لا ظل يوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وتعرفون هؤلاء السبعة. Donc le cheikh il dit, et donc les gens sont dans des situations effrayantes que seul Allah connaît, hein, tabaraka wa ta'ala, dans ce moment-là et dans cette situation au jour de la résurrection, que ce soit des croyants ou des mécréants, excepté cette catégorie de personnes qui sont sous l'ombre d'Allah, hein, qui sont sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre excepté son ombre. Et donc les gens sont dans cette difficulté, dans cette situation difficile et épeurante et effrayante, et eux par contre sont dans l'ombre du trône d'Allah avec leurs bonnes œuvres, hein. Donc c'est cette catégorie de personnes qui sont dans l'ombre d'Allah le jour où il n'y a pas d'ombre excepté son ombre. Et vous savez qui sont ces sept? C'est, hein, comme c'est mentionné dans le hadith, le dirigeant qui est juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration de son Seigneur, un homme qui a un cœur qui est accroché aux mosquées, deux hommes qui ne s'aiment que pour Allah, ils se réunissent sur l'amour d'Allah, ils se séparent sur l'amour d'Allah, et un homme qui a été invité ou appelé par une femme qui a une position, c'est-à-dire qui est un rang social élevé et de la beauté, mais qui dit « je crains Allah », un homme qui donne en charité, il donne de l'argent, et que yani, il donne tellement que yani, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. Et un autre homme qui se rappelle d'Allah quand il est seul et qui laisse couler des larmes, hein, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des exemples de ce qui arrive au jour de la résurrection. Et ça c'est pour dire que il y a des intercessions qui vont se produire au jour de la résurrection pour les croyants, et on va donner plus de détails de ça au prochain cours. On va continuer dans l'explication de ce sujet, inshallah, plus en profondeur. On s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته